Allô. Allô. Ça va ou quoi, Imen? Salam, Miou, ça va? Bon, t'as une petite voix. Ouais, bah oui, hein, je t'ai dit, un peu Paris, tout ça, tout ce qui se passe là-bas, ça y est. Ouais, tu sais quoi? Viens, je suis avec Case. On est en famille. On va décompresser, tu vas me parler de tout ça. Vas-y, ça marche, j'arrive. Allez, à tout de suite. L'artiste baby, DJ Case. En famille. Allez, fonce. Allez, fonce. J'ai demandé ton aide, j'ai pas eu de réponse. Ils n'ont même plus honte, mais je fumais sous mes onces. La jalousie les crève, la jalousie les ronge. Ils sont venus en haut, ils m'ont trouvé comme un nom. Parce que je suis dans mon monde, parce que je suis dans mon monde. Oh, sincère, oui j'étais sincère. Mais dis-moi à quoi ça sert, je les ai boostés, ils m'ont vu sous terre. Arrêtez si malgré. Tu dis que tu m'aimes, mais je sais que c'est pas vrai. Oh, je sais, tu peux plus m'encadrer. Mais tu sais, ça m'empêche pas de cadrer. Allez, frappe, allez, fonce. Fonce dans le mur. Plus rien ne fait mal. Ouais, je te rassure. C'est déjà oublié, ouais. C'était plus dur. Maintenant tu fonces. C'est impressionnant. Tu n'as pensé qu'à toi pour ce que l'attention monte. J'ai essayé de croire qu'un moment tu pouvais revenir à la raison. Mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Je t'ai donné ma confiance, tu m'as trahi. Notre amitié est en faille. Elle n'était pas un faille. Et maintenant j'ai qu'un faille. Oui maintenant je suis plus naïf. La roue a tourné. Dans le passé je peux pas retourner. J'ai plus le time, je tourne au fourneau. Et avec you on va tout retourner. Allez fonce. C'est mort, maintenant tu fonces. Il a fallu t'oublier, dans autant des sabliers. J'ai tant de choses à faire.